dans le hall. Partout y'a des fous, même. Oh, sois rusé. Arrusé rasoir. Ne crains surtout pas d'être toi-même quand certains y voient faiblesse. Garde une balle pour ton rêve en dépit des soucis, du stress. La mort ne paye pas son homme. Et le cœur de la ville bat toujours. J'rassemble mes forces et poursuis. Tu les fantômes de l'amour. Ghetto fait son cinéma. Client fait la queue devant le hall. Partout y'a des fous, même les plus fous sortent de tôle. Dessine-moi un mot nouveau des thèmes comme on les aime. Oublie folie, car fleurir la santé nous freine. J'voulais t'offrir ma vie et même plus. Chaque texte un nouvel opus. Doit-on sauver un homme parce qu'on pourra les sauver tous. La vie c'est des roses, pas besoin d'ail pour prendre des Pascal. C'est plus marrant maintenant que de changer à Châtelet les Halles. Dis qui est le voyou, le boss, dis qui est l'as des as. Machination comme les machinations de Las Vegas. Une fois pensé pour mes potos, parti trop tôt. Quand la faute fauche, dans le journal y'a pas ta photo. On est trop à partir sans prévenir. Et quand la mort se dessine, tu décèdes, tu peux pas revenir. Éviter les cris et les pleurs pour le futur. Chaque jour les mauvaises nouvelles déforment les figures. Tu joues les durs, tu finis entre quatre planches ou quatre murs. Ça c'est pour mes négros murs et tous les quartiers. Faut être rusé, la rue c'est rasoir, poto. 30 ans sont passés, je mène plus la même life. Je suis encore dans ce truc, mais doucement quand je drive. Moi je recherche juste l'équilibre. Et pourquoi se faire la guerre alors qu'il faut déjà lutter pour vivre? Et non pas poursuivre le chemin de ceux qui ont échoué. Que mon cœur batte chaque matin, c'est mon seul souhait. Garde le sourire malgré les douleurs du quartier. Précieuse est la vie, trop courte nos amitiés. Mon frère, je suis partout comme la haine et la misère. La rue c'est rasoir. Les poteaux trop tendus comme la corde du pendu. Protège-tu, entends-tu la pression qui vient du ghetto. Resserré dans l'étau, à l'étroit t'as la gamberge de ce mec au détroit. Tu sais compter sur tes doigts, tu veux pas le sale boulot. C'est la routine, c'est la rue, c'est pas te faire en coulo. Cri du cœur, on bégaye, ça va vite. La hache, partout je vais me suer la trace. Dans ma tête, dans mes tripes, ouais, t'es rusé, la rue c'est rasoir. Constate, certains se contentent de dire que la fin du monde est proche. Pendant que d'autres ne cessent de se plaindre, pourtant l'oseille met à gauche. Constate, l'obscurcissement du chétan te bouffe tes fleurs de ses flammes. Tu te retrouveras pas guidé par l'alcool, les drogues, les femmes. Ta vie c'est juste que t'en as toujours rêvé d'en faire. Fais-le, fais-le, dis-le. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une faiblesse d'avoir du cœur. J'ai l'impression que trop de joie devienne peur devant trop de pleurs. Constate, les jours s'aiguisent en semaines, les mois pour des années se prennent. Les décennies côtoient les siècles, la 20 piges gamberge la trentaine. Faut être rusé, la rue c'est rasoir. Tu crois que t'es tombé sur la bonne, tu l'as à la bonne. T'es surpris comment elle donne, pour son tapé tu charbonnes. Je te vois, tu bornes, tu bois, je le roi pour ta bombe, ta bois. À chaque seconde quand des séries de rumeurs pleuvent sur toi. Ainsi va ta vie, tu penses plus trop à tes vieux. Tu ne vis que d'embrouille, d'envieux qui ne cherchent qu'à te décreux. Le cœur creux, tu cries, à ces conneries tu crois. Sois pas trop nord, sois rusé, la rue c'est rasoir. Souvent, dans mon cœur je ressens cette douleur antérieure. Venue d'ailleurs, elle me rappelle que mes plaies sont encore fraîches. J'attends sa cicatrice, j'ai l'air triste. C'est seulement aujourd'hui que je réalise que sous l'emprise du mal et de l'alcool, je reste quelques protocoles. Je regarde les petits de la tête cramer les bagnoles. L'infection s'étend, facilement tu peux prendre 7 ans. Faut être rusé car tu vivras pas plus de 100 ans. La vie c'est rasoir. Mes cris, mes pensées, mes couleurs, mon bonheur. Toi, quand je t'aperçois, toi, quand on pleure. Ce que je ressens à l'intérieur, qu'un frise du côté Mali, trop de mal à l'extérieur. Je marche pourtant fort, la tête baissée à l'ombre. Des démarches que je rate et c'est mon cœur qui tombe. Mousseau, Otse Kaneba dans la série. Djama, Aya Fama, Mba Sara, Djeneba. Seul, faut être usé, la rue c'est rasoir. Ouais gros, La rue c'est rasoir, tu la prends vite à tes dépens dès que t'as pu le bavoir. Des bagarres inutiles dans cet instant. Elle fait mal à moi comme mes passoires. Soir, dans une ruelle, dans une guerrière au bout du tunnel. Tes regrets conjugués, pluriel. Du temps au fond, ta vie tu l'aimes. La rue c'est rasoir, une mort naturelle. Une maladie comme la tumeur. Gros, pour de vrai, tu meurs. Sois sincère avec toi-même. Car au fond, ta vie tu l'aimes. La rue c'est rasoir. La rue c'est rasoir. Nous on dit pas ça en frimant, du côté de chez nous les calibres sont encore chauds et fumants. En passant lors d'une rise, tu peux te manger une balle fuyante. J'ai eu des millions de souhaits dans ma vue, mais vu aucune étoile filante. En silence on souffre, on s'essouffle, on est friand, sensations fortes. Y'a des jours où tu peux finir dans le coffre, pour les brigands que la mort emporte. Pour les milliers de mères en pleurs, rappelle-toi que tu pars seul gros, sans escorte. Les plus chanceux s'en sortent, Inch'Allah que ce soit dans nos cordes. La rue c'est rasoir mon pote. Sur ce morceau, referme la porte. Mafia qu'un free, 9-4, 9-4.